Conte de fées en français. L'escargot et le cerisier. Il était une fois, dans un joli petit jardin, se tenait un cerisier magnifique. Les cerises avaient l'air de petits rubis qui brillaient très fort, suspendus à l'arbre. Dans ce jardin vivait aussi un escargot minuscule. Il s'appelait Shelly. Shelly était un escargot heureux. Au printemps et en été, il jouait avec les papillons et regardait les oiseaux. Mais pendant les hivers froids, Shelly s'enroulait sur lui-même dans sa coquille et s'endormait profondément. À la fin d'un tel hiver, Shelly se réveillait de son long sommeil et sortait de sa coquille. Juste un œil pour être sûr que le printemps était bien là, et pour son plus grand plaisir, c'était le cas. Il vit toutes les fleurs s'étirer gaiement vers le soleil. Il regarda les abeilles venir embrasser les fleurs et les papillons danser autour, accueillant le printemps dans leur jardin. Tandis que Shelly se promenait dans le jardin, admirant sa beauté, son estomac se mit à grincer. Oh, j'ai si peu mangé pendant l'hiver. Je pourrais manger n'importe quoi, là. Mais qu'est-ce que je vais trouver dans cet immense jardin? Il regarda autour de lui et ses yeux tombèrent sur l'étrange cerisier. Oh, un cerisier! Miam! Je vais manger toutes les cerises sucrées et juteuses qu'il y a dessus. J'espère qu'elles seront bonnes! Ainsi, Shelly rampa jusqu'à l'arbre et commença à grimper. Alors qu'il atteignait les racines entrelacées, un crapaud apparut de derrière les buissons. C'était le copain de Shelly, Monsieur Croaky. Salut, Shelly! Où vas-tu donc en ce beau matin? Oh, salut, Monsieur Croaky! J'ai vraiment très faim et je vais aller manger toutes les cerises qui sont tout en haut de cet arbre. Mais enfin, Shelly, il n'y a pas de cerises sur cet arbre. Il y a à peine quelques feuilles. Peut-être pas maintenant, mais il y en aura quand j'aurai atteint le sommet. Si tes jambes étaient aussi longues que les miennes et te permettaient de sauter aussi loin que moi, tu n'aurais pas à te donner tant de mal. Moi, je vais attraper des papillons pour mon petit déjeuner. Quoi? Tu veux venir avec moi? Berk! Enfin, non merci. Mais je suis sûre que pour toi, les papillons, c'est super bon, pas pour moi. Tu es sûre? Tu sais, les papillons sont aussi juteux que les cerises, peut-être même plus. Oui, mais je suis sûre que ce n'est pas de ce genre de jus dont j'ai envie. Bon, au revoir, Monsieur Croaky. Je dois y aller. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. Et il s'en alla chercher des papillons. Mais dans la précipitation, il sauta trop fort et se cogna contre un arbre. Heureusement, moi, je ne saute jamais. Je vais ramper à mon rythme. Il rampa lentement et joyeusement jusqu'au tronc sacré. Il rencontra une autre copine, Bumble l'abeille. Bumble s'approcha dès qu'elle aperçut Shelly. Shelly, que fais-tu par ici? Est-ce que tu profites de la brise? Ah ah! Non, Bumble, je suis là parce que je veux manger les cerises bien sucrées qui poussent sur cet arbre, tu vois? Des cerises? Mais elles poussent seulement en été. En ce moment, il n'y a que des feuilles. Oui, je vois bien les feuilles. Je connais la différence entre des feuilles et des cerises. Merci. Mais je suis très lent. Et quand j'atteindrai enfin les cerises, eh bien, ce sera déjà l'été. Vraiment? Alors, je t'aiderai, non? Quand le temps des cerises viendra, monte sur mon dos et je te porterai super vite dans les airs. Ah ah! Non, merci. Je vais avoir le tournis de là-haut. Je pourrai même tomber et rouler-bouler aussi. Mais non, tu ne tomberas pas. Ce sera un transport en toute sécurité. Mais c'est toi qui vois. Si tu ne veux pas, alors laisse tomber. Et au revoir. J'espère que tu trouveras les meilleures cerises du monde. Salut. Et elle s'en alla. Et de son côté, Shelly s'en retourna ramper sur son arbre, doucement mais sûrement. Certains jours, Shelly était parfois très fatiguée. Mais il pensait aux cerises bien rouges et bien brillantes et se remettait à grimper. Et quand la nuit venait, il rentrait dans sa coquille et faisait une bonne nuit de repos. Et le lendemain, il repartait. L'été commençait à arriver doucement. Et le petit Shelly remarqua que l'arbre commençait un peu à fleurir. Pendant qu'il admirait les fleurs, il sentit un petit air passer. C'était son ami Wingsy. Oh! Salut Wingsy! Tu m'as presque soufflé dessus! Salut Shelly! Tu es là pour admirer les bourgeons? Ils sont beaux, n'est-ce pas? pas aussi incroyable que ce que sera leur goût quand ils seront devenus des cerises. Oh, j'en ai tellement envie. Des cerises? C'est pour ça que tu es là, alors? Mais il n'y a que les bourgeons de ces fleurs. Tu es là beaucoup trop tôt, crois-moi. Non, Wingsy, je ne suis pas là trop tôt. Je suis pile dans les temps, tu vois? Si tu avais des ailes aussi grandes et magnifiques que les miennes, tu pourrais voler facilement jusqu'en haut de l'arbre. Tu comprends? Elles ne sont pas belles? Elles ne sont pas belles? Elles ne sont pas belles? Elles ne sont pas... Au revoir! Merci, mon Dieu, je n'ai pas d'ailes. Shelly continua. Il n'y avait qu'une direction à prendre, et c'était vers le haut. Quand il atteignit les branches, il vit que l'arbre était fleuri et tout blanc. Leur bonne odeur emplissait l'air et le jardin. Il s'arrêta pour respirer l'odeur des fleurs et il y avait deux oiseaux assis qui chantaient l'un à l'autre. Hé, hey, n'est-ce pas Shelly? Oh, oh, oh, oui, c'est lui. Mais comment est-il arrivé ici? Salut Shelly, et qu'est-ce que tu fais donc en haut de cet arbre? Ce n'est pas trop haut pour toi? Oh, salut! Oui, c'est la première fois que je grimpe si haut. Je suis montée parce que je voulais manger les cerises sucrées qui poussent sur cet arbre. Voilà. Tu as grimpé jusqu'ici pour des cerises? Ce n'était pas trop dur? Bien sûr que si! L'escalade était très longue et j'avais tellement faim! Mais à chaque fois, j'ai pensé aux cerises et j'ai continué à grimper. Aussi, c'était très sympa car j'ai rencontré beaucoup d'amis sur mon chemin. C'est très admirable de ta part, mais je suis vraiment désolée pour toi parce qu'il n'y a vraiment que des fleurs sur l'arbre. Ne t'inquiète pas, mon voyage n'est pas terminé. Il me faut grimper encore un peu plus haut, tu vois? Bon, au revoir tous les deux. Je dois reprendre ma route. Les oiseaux dirent au revoir à Shelly qui continua de grimper aux branches. Il finit par arriver enfin en haut de l'arbre, épuisé. Mais en regardant autour de lui, il se trouva entouré des plus belles cerises qu'il avait vues de toute sa vie. Il était vraiment très content. Waouh! Elles ont l'air tellement juteuses! Je mange laquelle? Je mange laquelle? Oh, peu importe, je vais les manger toutes! Elles sont trop belles! Shelly mangea des cerises encore et encore, jusqu'à n'en plus pouvoir. Il était devenu aussi gros qu'une cerise. Oh, je n'en peux plus. Je suis contente de ne pas avoir abandonné. L'escalade a été longue et difficile, mais le résultat était tellement délicieux. Et effectivement, Shelly pouvait être heureux. Il avait travaillé dur et fait preuve de patience avec beaucoup d'efforts pendant l'escalade. Shelly a prouvé que quand on veut vraiment quelque chose, il ne faut jamais abandonner.